ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, chantons l'amour. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ole, chantons l'amour. Un peu d'amour, un peu d'estime. Une nuit sans histoire. La fatigue, la panique. Le bonheur frappe à ta porte. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Les hommes et les animaux, les oiseaux et la nature, tout le monde chante l'amour. Croyez-moi, chantons aussi. Si tu n'as pas pu aimer, il faudrait te baliser. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, chantons l'amour. Ok, chantez. Facile, être un des plus difficiles. On croit qu'on a réussi, c'est une boisson.